Bonjour madame. Bonjour. Je peux vous aider ? Oui, voilà. J'ai ce téléphone portable depuis 3 ans, mais maintenant il ne marche plus très bien. Enfin, il marche, mais il se décharge très vite. Il faut que je recharge la batterie tous les jours, et même quelquefois 2 fois par jour. Eh oui, votre portable est fatigué, il faut le remplacer. Je vais vous montrer nos modèles. Quel prix est-ce que vous voulez mettre ? Je ne sais pas. Nous avons des modèles à tous les prix, de 1 euro, avec abonnement bien sûr, à 300 euros. Qu'est-ce qu'il a de particulier, votre portable à 300 euros ? Eh bien, d'abord, il est beau. Et le design, c'est important. Et puis, il a beaucoup de fonctions. Appareil photo, bien sûr, plus radio et vidéo. C'est aussi un baladeur MP3. Vous pouvez consulter des sites sur Internet, envoyer et recevoir des courriels. Vous pouvez gérer votre agenda. Bref, c'est un outil de travail. On peut aussi téléphoner avec ? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on peut payer avec ? Vous voulez dire payer avec le portable ? L'utiliser comme une carte bancaire ? Oui. Pas encore, mais ça viendra. Vous savez, comme dit ma grand-mère, on n'arrête pas le progrès.